deuxième volet de notre reportage sur les accords de libre-échange en Afrique. La semaine dernière, nous avons parlé des accords de partenariat économique, ou APE, entre l'Union européenne et plusieurs blocs économiques en Afrique. Cette semaine, nous allons parler d'un autre projet de libre-échange, la zone de libre-échange continentale, projet commercial négocié au sein de l'Union africaine et qui devrait entrer en vigueur fin 2017. Et nous retrouvons Guy Marussania, le coordinateur de la coalition nationale non aux APE au Sénégal. Est-ce que vous avez plus de détails sur ce projet de libre-échange? Quel est son but, ses avantages, ses dangers? Le premier élément que vous me permettrez de dire et de faire le lien avec les accords de partenariat économique, c'est que ce soit la zone de libre-échange, le projet de zone de libre-échange continental, que ce soit les accords de partenariat économique, ils ont quelque chose, mais tous les deux, de similaire. C'est l'éclipse démocratique qui caractérise leur processus. L'Union européenne a fait au moins 3 études d'impact sur l'APE qu'elle n'a pas voulu publier jusqu'à présent. Nous sommes au courant des résultats de ces études, en fait, d'impact qui sont en défaveur de l'application des APE, car il y a eu des fuites. De la même manière, le projet de zone d'échange continental, qui a été adopté depuis 2012 et qui doit, en fait, être mis en œuvre d'ici au plus tard le 31 décembre de cette année, 2017, aucun peuple, très rare pour ceux qui sont informés au niveau des peuples sénégalais, béninois, togolais, nigériens ou autres, d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud, etc. Très peu. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce projet de zone de libre-échange continentale est indifférent vis-à-vis de l'accord de partenariat économique. En politique, indifférence signifie complice. D'accord ? Ce projet de zone de libre-échange continentale a pour objectif une libéralisation, donc la création d'un marché continental à travers une libéralisation de 100%. Alors, les marchandises à libéraliser sont à déterminer, mais c'est une libéralisation de 100%. Et notre crainte, c'est que puisqu'ils disent qu'il faut donner davantage au continent africain qu'on en a donné à l'Union européenne, nous avons peur que les mêmes marchandises ciblées dans les APE soient également ciblées au niveau de la zone de libre-échange continentale. Ce qui nous amène à dire, nous, au niveau de la coalition non aux APE, que appliquer la zone de libre-échange continentale, c'est appliquer un double accord de partenariat économique. Une première libéralisation avec l'Union européenne, une deuxième libéralisation avec la zone de libre-échange continentale. Mais à qui profitent vraiment ces accords? Il y aura deux catégories de bénéficiaires dans cette zone de libre-échange continentale. Les mêmes critiques que nous formulons à l'endroit de l'Union européenne, nous les formulons également à l'endroit de cette zone de libre-échange continentale. Les gros poissons africains vont dévorer les petits poissons du continent africain. Donc les grands capitaux africains vont écraser les petits les organisations familiales paysannes, d'accord, les petites PME, PMI. Voilà la première conséquence. Or nous sommes opposés à ce que le Sénégal écrase la Gambie, le Nigeria écrase le Niger ou l'Afrique du Sud écrase le Lesotho. C'est parce que ce sont les mêmes critiques que nous formulons à l'endroit, en fait, de l'Union européenne. Il y a en fait un déséquilibre, d'accord, qui fait que c'est impossible, en fait, de mettre sur le même ring, d'accord, des économies au PIB de 200 et quelques dollars, les mettre sur le même ring que d'autres PIB de 15 000, de 1000, voilà. Donc, les deuxièmes bénéficiaires, c'est l'Union européenne et bien sûr les autres zones économiques, parce qu'en réalité, appliquer la zone de libre-échange continental, c'est ouvrir un deuxième boulevard après les accords de partenariat économique aux multinationales, d'accord, de l'Union européenne, des États-Unis, de la Chine, etc. Donc vous ne pensez pas que la zone de libre-échange continentale pourrait favoriser l'intégration africaine, par exemple en augmentant le commerce intra-africain? Avoir un marché commun africain est important, d'accord? Nous le souhaitons, nous soutiendrons un projet qui va dans ce sens. Mais le problème, c'est que cette zone de libre-échange continentale met en avant des valeurs comme en fait la compétitivité, comme la concurrence. Or, mettre de l'avant le libre-échangisme, la compétitivité et la concurrence, en fait, pour nous, c'est appliquer d'autres schémas dont on a vu en fait les conséquences. Regardez l'Union européenne, regardez en fait l'Amérique, tout simplement, pour ne citer que ces deux exemples. Nous pensons plutôt qu'il faut mettre sur pied des marchés avec d'autres valeurs, la solidarité, la complémentarité. C'est pour ça que nous estimons, pour schématiser un peu, qu'il y a au moins une lutte entre deux modèles. Le modèle de l'ALBA, d'accord, et le modèle de l'ASEAN. Je vous coupe juste une petite précision pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ces deux accords, l'ALBA et l'ASLEA. Ce sont deux accords d'intégration économique au niveau des Amériques. L'un, l'ALBA, plutôt soutenu par le Venezuela, entre autres, et l'autre, l'ASLEA, plutôt un projet soutenu par les États-Unis. Oui, le projet libéral porté en fait par les États-Unis et quelque part le Canada et des pays comme ceux-là, d'accord, mettent en avant, comme je le disais tout à l'heure, la compétitivité et la concurrence, le libre-échangisme, ça veut dire les gros marchés écrasant, les gros capitaux écrasant en fait les petits capitaux. Au contraire, ou plutôt face à ce modèle-là, il y a un autre modèle qui était soutenu par Cuba, par le Venezuela, etc., qui voit en fait un modèle d'intégration alternatif où en réalité c'est la complémentarité des économies, c'est en fait la solidarité qui est mise de l'avant. Donc il n'est pas question dans ce modèle-là que par exemple un pays qui a un secteur agricole fort écrase en fait un autre pays qui a un secteur agricole faible au point de le faire disparaître et de faire dépendre ce pays et ce marché complètement, d'accord, du marché en fait le plus fort et de créer pauvreté et chômage, d'accord. Et cela me permet d'ailleurs de revenir sur un autre aspect qui n'est pas bon et sur la zone de libre-échange continentale et en fait sur les APE, c'est que il n'est seulement question que de libre circulation des biens, des marchandises, mais il n'est en aucun moment question de libre circulation des personnes. Or, ce qui va se passer, c'est que la pauvreté, le chômage, que ce libre-échangisme va induire, va provoquer des pauvretés qui provoquera une libre circulation en fait, des personnes. Et donc, bien sûr, vers un processus de migration des populations accrue. En tout cas, merci beaucoup, Guy, d'avoir été avec nous sur ce plateau et de nous avoir un peu éclairé sur ces accords de libre-échange. C'est moi qui vous remercie, Nicolas. Merci.